Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire du génocide cambodgien en deux volets, comme nous vous l'avions proposé lors de la première diffusion en septembre 2016. Rappelons-le, 3 ans, 8 mois et 20 jours, où sous les ordres des Khmers Rouges, le Cambodge, devenu le Kampuchea démocratique, s'est transformé en un gigantesque camp de travail. Plus de 1 700 000 personnes n'en sont jamais revenues. Hier, nous avons évoqué l'arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh le 17 avril 1975 et la déportation de sa population en un seul jour. Dans ce second volet, nous allons vous raconter ce qui s'est passé pendant les mois et les années qui ont suivi cette entrée dans la capitale, la situation dans les campagnes, mais aussi à l'intérieur des centres de torture. Tout au long du récit, vous entendrez les témoignages de survivants qui ont pu échapper aux Khmers avant 1979, ainsi que la voix des soldats d'Ankar qui ont interrogé, torturé et exécuté leurs compatriotes, considérés comme les ennemis du peuple. Nous sommes appuyés évidemment sur le documentaire du réalisateur cambodgien Rithipan, S21, la machine de mort Khmer Rouge. Document de référence, document exceptionnel sur cette tragédie. Pour en parler aujourd'hui avec nous, après le récit, notre invité, Françoise Cironi. Cette universitaire fut l'une des expertes lors du procès de Douche, chef du camp S21. Une expérience et un cas d'école qu'elle raconte dans son ouvrage intitulé « Comment devient-on tortionnaire ? Psychologie des criminels contre l'humanité », un livre édité à la Découverte en août dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Janvier 1979. Quelques semaines après avoir lancé l'offensive contre les Khmers Rouges, l'armée vietnamienne entre dans Phnom Penh, abandonnée par ses anciens maîtres. Quand ses soldats pénètrent pour la première fois dans la capitale, ils découvrent une ville étouffée par le silence, aux maisons vidées, aux devantures fracassées. La ville n'a plus de cinéma, de magasins, d'écoles ou d'institutions publiques. Dans certains quartiers résidentiels, la vie d'antan a été investie par des végétations sauvages qui, année après année, ont envahi les toitures éventrées, s'invitant même à l'intérieur des maisons où, 4 ans plus tôt, des familles vivaient. Sur les avenues, pas âme qui vive, mis à part quelques prisonniers abandonnés et d'anciens personnels Khmer Rouges qui ont préféré rester dans la ville plutôt que de suivre la fuite de leur chef. Au lendemain de cette victoire sans fête, sans acclamation de la foule, 2 photographes vietnamiens parcourent seuls la ville. Dans le secteur sud, Tuol's fait près, une odeur de corps en décomposition attire les 2 hommes vers un site entouré d'une clôture en fer blanc surplombée de fils barbelés. À l'entrée, ils repèrent un panneau rouge avec une inscription en langue khmère. Ils ouvrent le portail et découvrent un vaste espace délabré qui était avant le 17 avril 1975 le lycée de Tuol Sleng. Au rez-de-chaussée du premier bâtiment, ils remarquent des traces de sang, pas encore sèches. Au sol, des milliers de pucerons tournent de façon frénétique. Ils avancent et là, ils découvrent les corps sans vie de 14 hommes égorgés. Certains d'entre eux ont encore le corps enchaîné à des lits en fer. Les 2 photographes montent ensuite aux différents étages, empruntent les coursives qui donnent accès à l'ensemble des pièces et pénètrent dans chaque salle. Certaines portes ont été remplacées par des grilles. Au sol, il reste quelques menottes, des tas de fer et des morceaux de chaîne. Dans d'autres salles, ils découvrent un amoncellement de papiers administratifs. Devant chaque entrée, alors que l'odeur de mort accompagne leurs mouvements, ils hésitent à pousser la porte ou la fenêtre. Puis ils entrent. Et de façon mécanique, il photographie tout, chaque trace, chaque objet qui donne une idée de la fonction de telle ou telle pièce. Un bureau avec une machine à écrire, des écritures sur une porte, une petite boîte de munitions remplie d'excréments, ou encore ces lits en fer où des corps sans vie sont encore attachés. À la fin de cette visite, ils alertent les autorités de leur découverte macabre. Quelques jours plus tard, accompagnés d'assistants cambodgiens, les Vietnamiens reviennent sur les lieux puis s'aventurent dans les maisons avoisinantes qui semblent en bon état. C'est là qu'ils découvrent les visages de ceux qui ont été les prisonniers du lycée de Tuol Sleng. Des milliers de photos d'identité d'hommes, de femmes, d'enfants. Des photos à l'identique, avec les mêmes habits, les mêmes coupes de cheveux, les mêmes postures. Et la seule chose que les tortionnaires ne pouvaient guider et contrôler, leurs regards emplis de crainte, d'attente ou d'impatience peut-être de mourir. Que sont-ils devenus ? Que s'est-il passé dans ce bâtiment au nom de code énigmatique S21 ? Quelle est l'étendue de la terreur qui s'est répandue sur tout le Cambodge à partir du 17 avril 1975 ? Vive le très héroïque et très glorieux peuple du Kampuchea ! Vive le Kampuchea démocratique Mohan Aung. Ce 17 avril 1975, quand les Khmers sont arrivés à Phnom Penh, ordre a été donné à l'ensemble de la population de sortir des maisons et de prendre la direction du nord. À chaque arrivée dans une ville, les Khmers rouges l'ont vidée, avec à chaque fois la même méthode. Des voitures sillonnent la ville avec des haut-parleurs, puis les soldats Khmers rouges frappent à chaque porte de maison et menacent les réfractaires. Personne ne peut y échapper. Malades, blessés, femmes enceintes ou enfants sont alors jetés dans la marée humaine où chacun tente de ne pas perdre la main d'un proche. La marche est lente, sans but, guidée simplement par les ordres des Khmers rouges. À la tombée de la nuit, la foule dort au bord des routes. Dès les premières heures, elle découvre le monde Khmer. Un monde divisé en trois catégories. Les cadres Khmer, le peuple ancien qui vient des campagnes, et le nouveau peuple, celui des villes, qui doit être rééduqué avec comme seule ligne à suivre, la ligne dictée par l'ANCAR, l'organisation politique Khmer Rouge. Il n'y a plus d'instituteurs, plus d'écoles, de banques, de maisons propres, il n'y a plus de noms, plus de familles, plus de titres. Pour les anciens dignitaires ou soldats de l'armée gouvernementale, il n'y a pas de rééducation possible. Les Khmer Rouges nous ont obligés à monter dans les camions. Notre destination n'est pas connue. Mais le voyage devait durer plusieurs jours. Et au total, nous étions 350 officiers entassés dans des camions gardés par des Khmer Rouges armés. À peu près 300 km environ de Phnom Penh, dans un petit bois, on nous a fait descendre et en face de nous, il y avait une soixantaine de Khmer Rouges armés. Sans prévenir, ils ont ouvert le feu sur nous. C'était horrible. Tous ces cadavres qui sont tassés les uns sur les autres. Moi, j'étais blessé à 12 endroits. Les Khmer Rouges achevaient les blessés à bout portant. Ils m'ont cru mort et à la nuit tombant, je suis dégagé des cadavres et j'ai essayé de fuir. Pour les autres déportés, la route se poursuit également en camion vers une destination qu'ils ignorent. Jour après jour, ils s'enfoncent dans le nord du pays, dans ces terres que contrôlent les Khmers Rouges depuis déjà plusieurs mois. À bord de ces camions, puis de wagons à bestiaux, ils commencent alors à apprivoiser la faim, à vivre avec très peu d'eau. Et puis un matin, le voyage s'arrête. À l'aube, ils découvrent leur nouveau cadre de vie, des plaines arides et caillouteuses, avec juste quelques maisons où les attendent les responsables de l'ancien peuple. Dans certains camps, on sépare les enfants des parents et on réduit chacun un numéro, un nom qu'on change selon le bon plaisir des capots Khmer Rouges. Chaque trait d'une identité, d'un statut est effacé. L'un vaut l'autre sans distinction ni valeur. Si le Kampuchea démocratique promet un monde sans classe, la hiérarchie est pourtant omniprésente. Il y a ceux qui viennent des champs et ceux qui viennent de la ville, ceux qui portent des chaussures et ceux qui vont pieds nus, ceux qui peuvent fumer et boire, ceux qui en ont l'interdiction. Une seule règle est commune, suivre les instructions et travailler sans relâche pour l'ANCAR. 6 heures, il faut que vous êtes dans les rangs pour partir pour le travail. On va s'aligner et puis vous partez dans les champs pour le travail manuel. Et notamment dans les champs, il y a plusieurs catégories de travaux encore. Soit vous allez couper les bambous ou les forêts, les fichiers, soit vous allez construire des canaux, soit vous allez les repiquer, ça dépend. Il y a toujours un Khmer Rouge à côté de vous et vous ne pouvez pas vous reposer. Alors il faut travailler comme il faut, sous risque d'être taxé, d'être, disons, révisionniste ou bien quand vous ne travaillez pas bien. Le soir, il va y avoir une séance d'autocritique ou si ça va mal, le gars, il peut être disparu tout d'un coup. On dit qu'il est emmené pour rééducation, quelque chose comme ça. La journée de travail n'a pas de limite. Elle commence à l'aube et se termine en pleine nuit. Sur ces plaines et chantiers où les Khmers rouges lancent de vastes projets d'irrigation, chacun doit porter 1,5 tonne de terre par jour. Sur les films de propagande, ils sont des centaines à perte de vue, armés de pelles, de palanquins et de brancards, en bambou, le corps courbé vers la terre ou marchant en file indienne d'un point à l'autre. Ces interminables journées de travaux forcés se déroulent sous le bruit assourdissant des chants à la gloire du régime, diffusés par des haut-parleurs, situés sur l'ensemble du chantier. Il est interdit de parler, de se plaindre, de tomber, de ralentir la productivité. Chacun est contrôlé, épié par les gardes, mais aussi par ses compagnons d'infortune, dont certains jouent le rôle de délateurs auprès des chefs en échange de quelques avantages. L'histoire se répète ici comme ailleurs. Chaque peuple réduit en esclavage génère ses capots. Au village également, ces déportés deviennent eux-mêmes des pièces de la machine de terreur lors des séances d'autocritique. Dans les souvenirs des survivants, tous se souviennent de ces matins où l'on rassemble adultes et enfants. Tous en cercle, la tête basse, inquiets qu'un voisin, qu'un proche ne les dénonce. Parfois, ce sont même leurs propres enfants, oui, qui se lèvent et déclarent « Tu es un ennemi du peuple. Les mangues que tu accueillis appartiennent à l'encart. C'est une attitude de bourgeois. Tu dois être jugé. » À ne plus être qu'un ombre, à ne plus vivre dans un foyer, à ne plus avoir un seul endroit où on se sent protégé, on passe du côté des bourreaux. L'un des slogans de l'organisation dit d'ailleurs « Renonce à tous tes biens, à ton père, à ta mère, à ta famille. L'humanité de chaque être est traquée, puis détruite. » C'était affreux à voir. Tous étaient affamés. On se disait, on cultive le riz en priant le ciel d'avoir à manger, et on ne faisait que creuser les canaux d'irrigation, et on avait du bouillon. À ce moment, on les a accusés d'être des contre-révolutionnaires. Ils ont arrêté un de mes frères qui avait arraché une patate parce qu'il avait faim. Il travaillait jour et nuit sans pouvoir se reposer. Le travail était si dur qu'il n'avait plus que la peau sur les os. Vous voyez, les jeunes filles qui travaillaient pour le régime de Pol Pot, elles sont toutes tombées malades. Elles étaient très pâles. Elles travaillaient si durement qu'elles n'avaient plus leurs règles. C'était ça le régime de Pol Pot, qui prétendait construire le progrès et la coopération. En fait, il affamait les gens. Quand Phnom Penh tombe, personne ne sait vraiment qui dirige les Khmers rouges, qui en est le chef. Il faut attendre le 28 octobre 1977 pour que le visage d'un certain Pol Pot fasse le tour du monde. Près de 2 ans après la prise du pouvoir, les téléscripteurs du monde entier annoncent que ce chef du parti communiste du pays, premier ministre du gouvernement du Kampuchea démocratique, effectuera une visite en Chine. Aucun diplomate, aucun journaliste n'a le droit d'entrer au Cambodge. Seuls les réfugiés qui ont pu s'enfuir racontent les drames qui s'y déroulent. Ce premier voyage officiel est donc un événement qui annonce un changement de stratégie du pouvoir. Quelques mois plus tard, en mars 1978, le voile se lève un peu plus grâce à un reportage exclusif d'un journaliste yougoslave, Nikola Vitorovic. Il est le premier reporter, invité bien sûr, à découvrir Phnom Penh vidé ainsi que les activités du Kampuchea démocratique. Dans ces scènes contrôlées, préparées par les hommes du parti, il ressort néanmoins quelques vérités et impressions. Car dans certains regards, on peut ressentir la chape de plomb qui semble s'être abattue sur ces hommes qu'on voit à l'écran, figurant ou non. Le travail est partout. La production lie chaque individu. Du soir au matin, on bouge des tonnes de pierres, on récolte du riz, on produit en usine. Les corps frêles des enfants sont omniprésents à l'image, dans les champs ou dans les ateliers. Derrière ces villages Potemkin, ces scènes en trompe-l'œil, une seule séquence ne semble pas faussée, celle du chef Pol Pot qui, pour la première fois, parle à un média étranger. Nous avons évacué la population de Phnom Penh pour plusieurs raisons. La première est économique, il s'agit du problème du ravitaillement de plusieurs millions d'habitants dans les villes. Après avoir bien réfléchi au problème, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pourrions pas le résoudre si la population demeurait dans les villes. Mais si, au contraire, nous transférions cette population à la campagne, dans les coopératives, celles-ci pourraient les nourrir parce qu'elles ont des rizières et tout ce qu'il faut. Nous avions des coopératives qui pouvaient recevoir cette population des villes à condition de la faire participer aux travaux rizicoles. Notre aspiration est de construire une société où règne pour tous le bonheur, la prospérité, l'égalité, où il n'y a pas de classe exploiteuse ni de classe exploitée, et où tout le monde participe aux travaux de production et de défense nationale. C'est sur ces bases et dans ces objectifs que nous édifions la nouvelle société. Quelques semaines plus tard, l'opération de communication se poursuit avec la visite de militants maoïstes et communistes d'Europe et des États-Unis. Ils sont une poignée à faire le voyage pour voir de leurs yeux cette nouvelle société. Le programme est toujours le même. Ils arrivent de Pékin en avion, visitent Phnom Penh, rencontrent un ministre, puis prennent le train vers le nord. Après un arrêt touristique au temple d'Angkor, ils visitent un chantier ou un barrage de travailleurs dits « volontaires ». À leur retour, on les invite sur les plateaux en face de réfugiés. Ils deviennent consciemment ou non les agents de la propagande du Kampuchea démocratique. Alors qu'ils n'ont rien vu, à part des travailleurs volontaires, des usines et des rizières prospères. Et pourtant, à quelques mètres ou kilomètres d'eux, ils sont des centaines à mourir de faim, de fatigue ou de maladie ou de torture. Ces visiteurs d'un jour, sont-ils passés devant le lycée de Tuol Sleng ? Sans doute pas. Et pourtant, chaque jour, on y exécute des hommes. Comme tout génocide, celui du Cambodge s'est déroulé à huis clos avec le soutien passif de puissances étrangères, mais aussi l'abandon, le déni d'autres puissances qui n'ont pas su entendre les cris des réfugiés. Or, pendant près de 4 ans, sur ces terres du Kampuchea démocratique, la mort est quotidienne. Les Khmers rouges y tuent des gens, surtout pendant la nuit. Mais lorsqu'on va au travail, comme ça, pendant la journée, on voit déjà des corps, des cadavres, et récemment tués avec du sang. C'est comme ça qu'on a tellement peur qu'on n'ose même pas faire quoi que ce soit en dehors de ses souhaits. Si jamais pendant une réunion, ils nous demandent de, voilà, il faut donner votre avis, est-ce que nous avons bien fait des tas de choses comme ça, nous voulons tellement avoir votre avis. Alors, il faut parler, il ne faut pas rester comme ça. Mais si quelqu'un parle pendant la nuit, le lendemain matin, il a disparu. ពីគ្រួសារអ្នកក្រក្រៃគ្មានទីពងអ្វីក្រៅពីរូបអូន livre de très héroïques et très glorieux peuples du Kampuchea. Vive le Kampuchea démocratique, Mohan Orcha. Vive la Constitution. Sous le diktat des Khmer Rouges, il y a l'ancien peuple qui vient de la terre, le nouveau peuple qui vient de la ville bourgeoise et qu'il faut rééduquer par le travail, et il y a les ennemis de l'intérieur, ceux qu'il faut détruire, qui n'ont aucune fonction au sein de l'encart. Il y a le crime de masse par la privation, la famine et le travail sans relâche, et puis il y a la mort mécanique à la chaîne, celle qu'on contrôle et qu'on ordonne. Dans le centre de torture S21, situé dans les bâtiments du lycée de Tuol Sleng à Phnom Penh, au moins 14 000 hommes, femmes et enfants ont été emprisonnés entre avril 1975 et janvier 1979. Tous accusés de crimes politiques. Comme dans tout régime totalitaire, sous les Khmers rouges, la traque aux ennemis de l'intérieur est quotidienne. La paranoïa et la crainte du complot rythment les purges successives et servent de justification à l'envoi de prisonniers au sein du camp S21. Quand ils arrivent ici, tous connaissent le même supplice, le même chemin vers l'élimination. L'arrivée s'est fait souvent de nuit. Un camion roule au pas, une grille s'ouvre, puis une lumière électrique pénètre à travers la bâche. Les malheureux entendent ensuite les premiers cris, les premiers ordres des gardiens. Quand le moteur des camions s'arrête, on lève la bâche. Les gardiens placent les menottes et on passe rapidement aux interrogatoires. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Ensuite, on leur bande les yeux. Puis, chaque individu prend sa place dans la ligne des condamnés liés par une corde nouée autour du cou. Le corps, la tête et l'esprit sont pris dans un étau. Alors, pas à pas, l'un après l'autre, les victimes montent un escalier puis attendent. On retire ensuite le bandeau et on les place devant un fond blanc. Un flash crépite, S21 à son archive, le détenu, sa dernière photo. On sépare ensuite les hommes des femmes, amenés dans des salles différentes où des fers pour les pieds les attendent. Sans dire un mot, le corps sur le sol, ils entendent les cris des suppliciés des salles voisines. Bientôt, ce sera leur tour. Pour chercher un détenu, j'ai le numéro de la cellule noté dans ma paume. Pièce 39, prisonnier 13. Amène-moi le détenu 13 pour interrogatoire. Le 13, debout. Je lui ordonne de se lever. Je lui bande les yeux avec un cramard. Je le menotte derrière le dos. Puis je déverrouille la barre. Je referme le cadenas. Je le prends par le bras et sors. Quand je reçois le détenu, je coince son bras sous le mien et je l'emmène. À la tête de S21 règne un homme, Duck, D-U-C-H, prononcé Duck en langue khmère. Avant la prise de Phnom Penh en 1975, ce haut responsable Khmer Rouge avait déjà eu la charge d'un centre de sécurité, le M13, un premier outil de purge du régime, où les prisonniers vivaient dans des fosses creusées dans la terre. D'abord adjoint, c'est en mars 1976 qu'il prend la tête de S21. Sa charge, mettre en œuvre la politique du parti vis-à-vis de l'ennemi, c'est-à-dire écraser impérativement les prisonniers. Sous ses ordres, plusieurs catégories personnelles que Doc choisit et forme. L'unité la plus importante de S21 est celle de la défense. Elle est composée de plus de 150 gardiens en charge de la sécurité des lieux, du transfert des prisonniers et des exécutions. Il y a ensuite les employés de la documentation, une unité dont la mission est de transcrire les cassettes sur lesquelles certaines dépositions sont enregistrées, de dactylographier les confessions manuscrites, de résumer l'ensemble et d'organiser les archives de ces confessions. Comme tous les régimes totalitaires et psychopathes, celui des Khmers Rouges consigne tout, absolument tout. Pièce centrale de la machine de mort, les aveux obtenus par la force permettent de justifier le crime dans l'esprit des bourreaux, mais aussi de nourrir les purges en constituant des listes de personnes citées dans les aveux qui formeront les convois futurs. Puis il y a l'unité de ceux qui interrogent. Les tortionnaires fonctionnent par équipe de trois, avec un chef, un adjoint qui note, et un troisième homme qui inflige les tortures. Les séances d'interrogatoire se déroulent toute la journée, entre 7h du matin et midi, de 13h à 18h, puis de 20h à minuit. Voici l'endroit où on interroge les détenus. On met le fer au pied, on le fixe à la table. Les feuilles de papier sont pour les aveux du détenu. Il doit les écrire sur cette table. La torture consiste à frapper et à étouffer dans un sac. Ce sac sert à l'étouffer. Ces boules de papier, quand ces aveux ne sont pas clairs, l'interrogateur les jette. On l'a torturé, ça pue, son corps se gangrène. Il a été frappé jusqu'au sang. On a appelé le médecin pour le panser. Parmi ces milliers de prisonniers, il y a Bofana. Elle arrive au S21 en septembre 1976, 3 semaines après l'arrestation de son mari. En cause, des lettres d'amour entre elle et son mari, un délit pour les monstres Khmer. Son calvaire dure 5 mois. 5 mois de torture à l'électricité, de coups, d'étouffement, mais aussi sans doute du supplice de l'aiguille que l'on plante sous l'ongle et qu'on enfonce à chaque mauvaise réponse. De ce séjour, le centre a archivé 1000 pages d'aveux obtenus sous la contrainte. Sur celle-ci, on peut lire une annotation de Doc sans intérêt. Mais à S21, aucun détenu n'est là par erreur. Comme pour chaque prisonnier, le séjour s'organise en 3 temps, les interrogatoires, les confessions, puis l'exécution. À l'aube du 18 mars 1977, Bofana part avec d'autres vers Choang Ek, le camp de la mort. Là, les gardiens l'attendent. Ici, c'était très silencieux. Personne ne passait ni ne circulait. On transportait les détenus de Tjolsleng à ici. Arrivé ici, à Choang Ek, on démarrait le groupe électrogène dans la baraque pour qu'ils n'entendent rien, pour les rendre sourds. On reculait le camion jusqu'à la baraque, on remontait la bâche, on les jetait par terre et on les faisait entrer dans la baraque. Puis on les faisait sortir, un par un. On notait les noms, on leur mentait. Crains rien, on va dans ta nouvelle maison. Dutch était assis sur une natte et fumait. Il attendait pour assister à l'exécution au bord de la fosse. Pendant l'exécution, s'il pleuvait, on mettait une bâche pour empêcher l'eau de pluie de remplir la fosse. On mettait le détenu à genoux. Il avait les mains liées dans le dos et un cramard sur les yeux. On prenait une barre de fer et on frappait en visant la nuque. Il tombait face contre terre. Avec un couteau, on l'égorgeait. Les gardiens récupèrent ensuite les vêtements et les menottes, puis les rapportent au centre. Les nouveaux prisonniers les enfileront. Puis, à leur mort, d'autres les porteront. Il faut attendre le début du mois de janvier 1979 et l'arrivée de l'armée vietnamienne pour que la machine de mort S21 s'arrête et que le secret bien gardé se dévoile enfin. Quelques mois après la chute de Phnom Penh, en août 1979, le chef du régime Khmer Rouge déchu Pol Pot est condamné à mort par contumace lors d'un procès de 5 jours. Pendant des décennies, une poignée de Khmer poursuit le combat au nord du pays. En 1998, leur dernier combattant annonce la mort de Pol Pot et dépose enfin les armes. Les anciens territoires Khmer s'ouvrent alors aux autorités et aux journalistes. Et c'est ainsi qu'en 1999, un photographe irlandais, Niall Dunlop, retrouve la trace de Doug, l'ancien chef de S21. L'homme, un sexagénaire à la voix fluette, travaille dans un camp de réfugiés sous l'identité de Hang Pi. Quand le photographe le rencontre la première fois, il ne dit rien, mais il est sûr d'avoir retrouvé le bourreau de S21. Alors il revient un mois plus tard, accompagné d'un autre journaliste. À deux, ils interrogent le vieil homme sur sa vie. D'une voix aimable, il répond sans crainte: « J'étais un modeste professeur de mathématiques. Et sous les Khmer Rouges, je traduisais des livres pour enfants au ministère de l'Éducation nationale. » Puis, sous le feu des questions, il avoue, enfin, oui, il est Doc, le chef de S21. 10 ans plus tard, son procès s'ouvre. En 2012, il est condamné à la prison à vie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le lycée de Tuol Sleng est devenu le musée du génocide cambodgien. Il est resté presque à l'identique de ce qu'il a été durant près de 4 ans. À l'intérieur des salles, on peut voir désormais le visage de l'ensemble des disparus, dont celui de Bofana, qui en 2016 aurait fêté ses 40 ans. You live in Phnom Penh. I check my email. I'm too geeked up to fall asleep. So I write you back and count the days until we'll be together. The first thing that I do is throw my arms around you. I never let go. From my hotel room, I'm sitting on the hallway floor. I know that we are so, so, so, so tired. My phone has expired. You only call me when you're drunk. I can tell it by your voice. It's the only time that you open up to me. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le génocide au Cambodge avec notre invité François Cironet. Bonjour. Bonjour. François Cironet, vous êtes universitaire et vous avez été l'une des expertes lors du procès de Douche, chef du camp S21. Une expérience unique, évidemment, que vous racontez dans votre ouvrage intitulé « Comment devient-on tortionnaire ? Psychologie des criminels contre l'humanité », un livre édité à la Découverte en août dernier. D'abord, comment et pourquoi avez-vous été contacté pour l'expertise psychologique de Douche? Vous le prononcez Douche également? Douche ou Douche, oui, bon, effectivement, Douche. Allons-y plutôt, sur voilà. Douche, alors. Oui, alors effectivement, j'ai à peu près une trentaine d'années d'expérience, tant avec les victimes de la torture qu'avec les auteurs également de violences collectives. Et donc du coup, de ce fait, je pense, j'ai été donc on m'a mandaté, les deux juges d'instruction qui ont instruit le procès, Marcel Lemonde et Yung Boulneng, m'ont donc demandé d'effectuer cette expertise psychologique. D'abord, m'ont demandé comment est-ce qu'elle pouvait être conçue, puisqu'effectivement, tout est neuf, ce tribunal aussi fonctionne selon des règles inhabituelle. Et donc, du coup, c'est avec un co-expert cambodgien, le psychiatre Kasun Bonat, et de temps en temps aussi avec la participation d'un expert assermenté au tribunal, que nous avons travaillé, donc effectué cette expertise psychologique. Donc, c'est pas tout à fait, ça l'est quand même, parce que ça sert l'histoire, évidemment. C'est pas une démarche historique, on est bien d'accord, c'est une démarche psychologique. Que saviez-vous de ce génocide de l'histoire des Khmers Rouges avant que cette demande vous soit formulée? Alors, comme je suis psychologue, psychologue et une des fondatrices du centre Primo Levi à Paris, centre de soins pour les victimes de torture. J'ai soigné pendant de très longues années, entre autres, des personnes qui étaient victimes du génocide cambodgien et qui étaient donc qui vivaient à Paris et qui, des années après, encore étaient marquées par ce qu'elles ont connu au Cambodge. Donc j'avais d'abord une expérience avec les personnes, avec les victimes de torture. Ensuite, bien sûr, j'ai lu, comme beaucoup de personnes, j'ai été marquée aussi par cette tragédie. Et aussi, en soignant des victimes de torture, j'ai été fatalement amenée à me poser la question sur des méthodes de torture et de qui sont les tortionnaires, puisque les conséquences psychologiques de la torture et de la faim, enfin de tout ce qu'ont subi les victimes du drame cambodgien, ont été aussi, c'est du fait de l'intentionnalité humaine, délibérée, que les personnes gardaient ces souffrances à long terme, étaient marquées donc par ce qu'elles ont connu. Ce n'était pas du tout lié à leur personnalité, à des particularités individuelles, mais véritablement par l'intentionnalité destructrice d'un autre. Donc du coup, je me suis aussi intéressée à l'autre côté, c'est-à-dire au Khmer Rouge, à ce système, à cette utopie meurtrière. Alors justement, vous avez rencontré Duch hein, plusieurs fois. La première fois, c'était le 5 février 2008. Vous l'avez vu à 16 reprises, je crois, sur deux sessions. Qu'est-ce qui s'est passé là, d'abord la première fois, après on parlera de votre méthode, mais premier contact avec cet homme-là et tout ce qu'il représente. Premier contact, d'abord surprise, effectivement, je l'avais vu en photo. Mais de voir cet homme assez petit qui se présente souriant, qui s'installe et alors très rapidement nous lui avons demandé avec le co-expert ce que signifiait son nom et donc Duch, c'est un nom qui s'est choisi aussi, mais alors il se lève et il se met pratiquement en garde à vous et il dit Duch, cela signifie l'élève qui se dresse lorsque le maître l'appelle, donc on entrait en matière, hein, littéralement. Oui. Effectivement, hein, puisque c'était un nom, il s'appelait Kengek O, mais c'est un nom aussi qu'il s'était choisi à 15 ans, et puis qu'il a repris aussi lorsqu'il vivait, enfin c'était son nom aussi à l'époque Khmer Rouge, mais disons que se choisir un nom qui signifie l'obéissance et la reconnaissance, le fait d'être obéissant, n'était pas rien. Donc c'était la porte ouverte à toutes les horreurs, puisqu'il y a une idéologie politique et pathologique, hein, un génocide, est coupable, évidemment, dans la mesure où c'est l'élève qui se lève et qui met le doigt sur la couture du pantalon devant le chef. Oui, c'était la porte ouverte à toutes les horreurs. Vous l'avez ressenti comme ça? Ce que j'ai ressenti, c'est d'abord qu'effectivement, j'avais lu ce qu'avait fait Duch, bien évidemment, qu'en partie, il était 35 ans après, lorsqu'il est replongé dans l'univers de S21, puisque nous en avons parlé, nous avait demandé d'expliquer pourquoi, comment on devient Duch, qui était cet homme. Donc on nous avait demandé de refaire tout son parcours de vie. Donc effectivement, lorsque nous avons évoqué cette époque-là, il parlait d'ailleurs au présent, comme s'il y était une partie de lui-même retournée dans le passé. Mais nous avons été bien évidemment amenés aussi à voir pourquoi il est devenu tortionnaire, puisqu'on ne naît pas tortionnaire, on le devient. Voilà, ça c'est le cœur de la question quand même. Voilà, quelle était son enfance, comment il a grandi. C'était un jeune homme tout à fait timide, serviable, gentil, qui a été marqué par l'injustice qui existait dans son pays, la corruption, par l'injustice aussi dans sa famille, puisque son père était sous la coupe d'un usurier chinois. Duch lui-même est d'origine chinoise et à l'époque, m'a-t-il dit, et puis ça a été confirmé aussi par les Cambodgiens après, les Chinois étaient extrêmement ostracisés. C'était des migrants qui n'étaient pas bien vus à l'époque. Donc Duch a aussi souffert de ça, d'une forme d'humiliation, de non-reconnaissance. Et donc il grandit comme ça, il va à l'école, à 9 ans, il va à l'école tardivement, puisque tout le monde est pauvre, on doit travailler. Et quand il va à l'école, il est marqué par ses maîtres français. Mais marqué positivement, pour le coup, Je ne saurais vous dire, puisque nous avons aussi examiné les violences dont il a été lui-même victime, puisque l'on sait que la plupart des personnes qui deviennent ensuite des tortionnaires, qui deviennent des hommes violents, des personnes violentes, à une écrasante majorité des cas, on retrouve aussi des situations de violence opérées sur eux. Est-ce que ça veut dire que Dutch, comme peut-être d'autres tortionnaires à travers d'autres épisodes de l'histoire, fait partie de ces gens qui, au bénéfice d'une histoire, au gré d'une histoire, dont ils ne sont pas les artisans d'ailleurs, hein, ils prennent une revanche sur leur propre vie, c'est ça ? Beaucoup, oui, effectivement. Dutch fait partie de ces personnes, effectivement. Que ce soit des blessures qu'ils ont pu avoir, des blessures ou des humiliations liées à l'histoire collective, ou que ce soit lié à leur histoire plus individuelle, effectivement, on retrouve chez ces personnes qui ensuite deviennent des tortionnaires et qui sont aussi partisans de ce régime qui dit que la fin justifie les moyens. On retrouve chez eux, effectivement, une revanche à prendre liée au passé, et collectivement des régimes comme le régime Khmer Rouge leur en donnait la possibilité. Il était absolument convaincu aussi qu'il agissait pour la justice et pour la justice des hommes, quoi. On va écouter, évidemment, puisqu'on parle de Dutch, on va forcément donner, nous y tenons, la parole à Riti Pan, donc ancienne victime du génocide, réalisateur de plusieurs documentaires et de livres sur ce drame. Il nous donnait ses explications sur le fonctionnement du centre de détention et de torture S21 quand nous l'avions invité ici lors de la première diffusion. S21 a ordonné... Les gens en province peuvent aussi exécuter sur l'ordre S21. S21 qui est commandé par Dutch, qui n'a pas n'importe qui. Parce que c'est lui qui est le maître de M13. Il a déjà commencé à mettre en place ses méthodologies, l'indurgatoire, etc. Ouais. Et puis ils l'ont amené à S21 après. Et Dutch a amené tout ses staff avec lui à S21. Donc ça va au-delà de ça, ça va au-delà d'une prison. Voilà, donc Riti Pan parle du centre M13. C'était avant S21, il avait 29 ans, alors peut-être que la bascule s'est faite là. Est-ce qu'il vous a expliqué le moment où il a commencé à être ce tortionnaire, ce bourreau professionnel? Oui, alors quand il était à M13, quand il a pris ses fonctions à M13, il vivait dans le maquis, comme beaucoup d'autres, comme les autres Khmer Rouge également. Et lui, il était professeur de mathématiques dans le secondaire. Et ce qu'il souhaitait, c'était continuer à pouvoir enseigner une fois que les Khmer Rouge auraient repris le pouvoir. Quand on lui a proposé de faire ce qu'il a fait effectivement à M13 et ensuite à S21, il nous a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord. C'est pas ce qu'il avait envie de faire. Ce que nous savons aussi par ailleurs, on sait que s'il a été désigné pour faire ce qu'il faisait, c'est d'abord sur le fait qu'il était extrêmement loyal et extrêmement obéissant. Il avait un besoin de reconnaissance par ses chefs et par ses maîtres qui était absolument extrêmement important. Donc c'est sur cette base de cette loyauté, cette indéfectible loyauté qui fait qu'on aurait pu lui demander n'importe quoi, il aurait de toute façon obéi. Alors qu'il rechigne ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, finalement c'est pas cela qui compte. Ce qu'il compte, c'est qu'il le fasse, et qu'il le fasse du mieux possible. Alors il était très épris de rationalité, donc il s'est mis à théoriser la torture comme on résout des équations mathématiques. Il a essayé de voir l'efficacité, différentes méthodes, des méthodes chaudes, des méthodes froides. Enfin, il a commencé à effectivement théoriser la torture, même s'il n'aimait pas particulièrement cela, mais il l'a aussi fait avec zèle, parce que il était encore une fois convaincu que les ennemis du peuple méritaient d'être anéantis, et qu'il fallait créer un peuple pur, ce fameux Kampuchea démocratique. Mais après, longtemps après, quand vous l'avez vu, donc après les faits, est-ce qu'il a reconnu des fautes ? Alors là, on arrive dans la culpabilité. Comment vous avez géré, si j'ose dire, la culpabilité ? Comment il l'a géré, lui ? Et il n'avait absolument aucun sentiment de culpabilité au sens où on l'entend habituellement d'un point de vue psychologique, j'entends, c'est-à-dire avec ce sentiment de faute, de grande dépression, de larmes, de pleurs, de bon. Tout. Si vous voulez, il avait aucun sentiment de culpabilité, tout comme n'en avait pas la plupart des nazis, etc. Je veux dire, on peut le comparer à d'autres auteurs de crimes contre l'humanité. Alors, je dis cela, c'est pas du tout pour le justifier, bien évidemment, mais alors comment comprendre, hein, comment gérer cette culpabilité, comme vous dites. Ce que disait... D'abord, il a demandé pardon. Il a demandé pardon, il a pleuré à certains moments. Ah, tout de même. Donc, il y a quand même une conscience. Il y a quand même une conscience. C'est vrai, mais sa conscience n'est pas unifiée. Et c'est tout le problème, effectivement. C'est quoi une conscience qui n'est pas unifiée? Une conscience qui n'est pas unifiée, c'est qu'on vit dans une forme de multiplicité. Alors, on peut tous vivre avec une multiplicité en soi, c'est-à-dire on peut être contradictoire, etc. Mais le savoir et l'assumer peut être tendre vers une conscience unifiée, c'est-à-dire avoir conscience de fonctionner avec des contradictions. Mais pour Dutch, lui, c'est vraiment une vie totalement compartimentée. Alors, il n'avait pas de sentiment de culpabilité, il éprouve des remords, il éprouvait des regrets, mais il prend ça d'une manière collective, en disant « je suis pas le seul », il entend cela plutôt sous forme d'une culpabilité partagée. Alors, abordons le procès maintenant, parce que c'était vraiment important. Le procès était un cas d'école de peut-être ce qu'il faut faire après des drames comme cela pour la mémoire des victimes, pour aider, enfin, on dit faire le deuil, je sais pas ce que ça vaut exactement comme expression, c'est beaucoup dit, faire le deuil. Bon, c'était un procès qui a répondu à ces exigences-là. Il a répondu en partie à ses exigences, parce que je dis en partie parce que il est toujours extrêmement difficile de faire le deuil, comme vous dites, et de contenter entre guillemets les victimes. Hein, j'ai bien entre guillemets parce que c'est une douleur qui ne part jamais. Mais en tout cas, le procès fait partie de tout ce qui permet de lutter contre l'impunité. L'impunité, le fait que des auteurs de crimes contre l'humanité continuent à vivre, côtoient comme les anciens Khmer Rouges, côtoient des victimes est quelque chose de très difficile et insupportable. La peur s'installe dans un pays et le fait que ce procès ait eu lieu est une chose extrêmement importante parce que les gens ont pu sortir de la peur, ont pu exprimer leur colère, ont pu voir qu'effectivement l'impunité, les gens qui ont commis des fautes extrêmement graves ne peuvent pas vivre impunément jusqu'à la fin de leur vie sans être punis de leurs fautes. Au milieu du procès, les juges d'instruction vous ont demandé de revoir Dutch. Pourquoi ? Pour voir s'il y avait un impact psychologique si le procès avait un impact sur lui, un impact psychologique, s'il avait effectivement changé depuis le début du procès, donc il avait commencé en février 2009 et qui s'est terminé en novembre 2009, et donc nous l'avons vu en août. Ouais. Et effectivement, il y a eu Dutch a effectivement changé, c'est-à-dire il était moins clivé, il fonctionnait moins dans la désempathie ou dans la déshumanisation, si vous voulez, mais effectivement ce changement est extrêmement lent. Il faut savoir que c'est un processus, que certains avancent plus vite que d'autres. Il faut savoir que Dutch aussi a vécu pendant... Ce procès a eu lieu 35 ans après, que c'était quelqu'un qui était extrêmement convaincu, hein, parce qu'à l'époque où il commettait tous ses crimes. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a eu des changements, mais ces changements se sont opérés de manière extrêmement lente. Mais je suis certaine qu'aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, il n'est plus le même qu'il était à l'époque. Alors, effacer les traces. C'était un rôle qui lui était assigné. De Dutch, ouais. Effectivement. Effacer les traces. Oui, il parlait d'écraser les victimes qui devaient être réduites en poussière pour qu'il ne reste plus rien du tout et plus rien du tout. Et aussi, on parle de... Il y avait des maximes, le Khmer Rouge, qui disaient engrais, mort, tu nous es plus utile que vivant, puisqu'on va pouvoir fertiliser les rizières avec tes restes. Donc, voilà. Et quand il y avait des restes, ils étaient intéressants s'ils étaient utiles. Mais sinon, c'était l'idée de la poussière. Plus rien ne devait rester des vies humaines, pour la plupart innocentes. Alors, on va écouter un extrait du documentaire Dutch, le maître des forges de l'enfer, produit par Lina, réalisé par le Cambodgien Ritipan, que nous avons évoqué tout à l'heure, et je le rappelle, c'est lui que nous avions reçu lors de la première diffusion de cette émission. Le mot Kamtek des Khmer Rouges a son sens propre. Ce n'est pas seulement tuer. C'est tuer puis effacer toute trace, réduire en poussière, qu'il ne reste plus rien. Dès 1970, à la création de notre police, Quand on tue, on n'informe pas la famille, on efface les traces. Même le cadavre, on ne le rend pas à la famille pour une cérémonie. Ça, c'est la culture Khmer Rouge. Et il ajoute, c'est grâce à mon œuvre que toute trace a été effacée. Vous êtes revenu avec lui sur cet aspect de cette thématique si oui, dramatique. Oui, effectivement. Je suis revenue pour voir effectivement qu'est-ce qui est arrivé. Je lui ai demandé d'ailleurs cette question d'Anna Arendt. Qu'est-il arrivé à votre conscience? Il m'a dit qu'il comprenait pas très bien la question alors qu'il parlait très bien le français. Oui, il était effectivement. En réécoutant cet extrait aussi, je pense aussi à la déshumanisation des bourreaux parce que pour pouvoir déshumaniser les autres, il faut d'abord avoir été déshumanisé soi-même. Alors on cherche les traces dans la petite enfance, mais on cherche aussi surtout les traces comment activement il a renoncé à sa propre humanité pour pouvoir écraser, réduire en poussière et faire en sorte que des humains ne soient plus des humains. Donc on est revenu, on a reparlé de tout ça. Comment petit à petit il a renoncé à sa propre humanité et comment il est devenu un homme système qui ne vit que pour le système Khmer Rouge. Ça renvoie aussi à ce livre qui s'appelle Les Hommes Ordinaires, qui parle des Einsatzgruppen, qui étaient ces gens qui ont fait la Shoah par balle, qui étaient des paysans, des ouvriers dans la vie civile et qui ont été déshumanisés et qui se sont déshumanisés. Ça dépasse notre entendement, ça, quand même. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui. Dans les tréfonds de l'âme humaine. Oui, ben on peut répondre que faisons tout pour dire jamais plus. Ouais. Hein, faisons tout, comme disait aussi Primo Levi en exerce de son livre Si c'est un homme, vous qui vivez bien au chaud dans vos chaumières, n'oubliez pas que cela fut. Hein, et effectivement, je crois qu'il faut avoir très présent que cela peut revenir, mais qu'on peut aussi avancer, faire en sorte, notamment lutter contre l'impunité et faire en sorte que cela devienne de moins en moins possible. Est-ce qu'il a espéré un moment, Dutch, être acquitté? Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce que vous l'avez senti? C'était pas l'essentiel, parce que, après tout, le sort de l'homme, évidemment, est important, mais ce qui était important, c'était le procès pour l'histoire. Il espérait être acquitté un moment, parce qu'il pensait avoir été un bon élève, là encore une fois. Ah oui. Le maître, l'élève qui se dresse sur ce que le maître l'appelle. Alors là, c'était pas le maître, mais c'était la justice pénale internationale, enfin, le tribunal spécial Khmer Rouge. Il a beaucoup, beaucoup contribué à ce tribunal. Il a beaucoup aidé le tribunal aussi en donnant des différents organigrammes et il espérait qu'étant un bon élève, qu'en ayant participé, ayant beaucoup aidé le tribunal, il serait éventuellement acquitté. Mais là, on voit aussi à quel point il est complètement, il n'est pas du tout dans la dimension, on peut dire, à côté de la plaque, si je puis dire, parce que effectivement, hein, il peut à la fois reconnaître ce qu'il a fait et puis penser être acquitté. Et un autre aspect de lui, penser aussi qu'effectivement, il n'avait que ce qu'il méritait, c'est-à-dire la prison à vie. Donc un homme complètement compartimenté et clivé. Merci infiniment, Françoise Sironi, pour vos éclairages sur ce qui nous paraît tellement, encore une fois, je rappelle, dépasser l'entendement. Mais il faut bien essayer de comprendre, et c'est ce que vous avez fait avec votre travail, et qui a donné ce livre, Comment devient-on tortionnaire, psychologie des criminels contre l'humanité. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le génocide au Cambodge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Lucas Vaillant qui était à la technique aujourd'hui. Demain, ce sera la fiction et elle sera consacrée à un procès important, le procès d'un viol en France en 1978. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jean Bulot et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle.